Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi. Laissez-moi chanter la liberté, l'illégalité. Une dernière fois, 300 va au compteur, la ligne blanche est discontinue. Trop rapide pour son cœur, elle ne me voit pas, je continue. Je ne distingue plus les couleurs, je vois tout en noir et blanc. J'entends la voix du fureur, le rapide dans les camps. Cœur en ruine, comme une épave. J'ai déjà donné trop d'amour. Comprends que je t'aime peu. On est plusieurs dans ma tête. On joue tous au même jeu. Je casse la garde en deux. Elle se dévoile un peu. Le cœur rempli de bleu. Les étoiles dans les yeux. On a contrôlé la nausée. On a cru toucher les cieux. On a fumé tous les neuf jours. Ils nous ont fumé nos vieux. Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi. Laissez-moi chanter la liberté, l'inégalité, une dernière fois. Sur le mi-père, j'arriverai en retard car j'ai le cœur accidenté. On se connaît peu mais plus qu'hier. Sentiments sur la civière. C'est ton cœur que je dérobe après minuit les mains gantées. Pense à nous deux, je suis solitaire. Elle veut entendre mes décibels, savoir ce que je vais manigancer. Si tu veux me voir, regarde le ciel. Je me suis éloigné des faux pour voir la vie en vrai. Je casse la garde en deux, elle se dévoile un peu. Les étoiles dans les yeux. On a contrôlé la neige. On a cru toucher les cieux. On a fumé tout le neige. Ils nous ont fumé nos vieux. Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi. Laissez-moi chanter la liberté, l'inégalité, une dernière fois. On a contrôlé la neige. On a contrôlé la droite. On a cru toucher les cieux. On a fumé tout le neige. Ils nous ont fumé nos vies.